fascisant. Voici venu le temps de l'obscurantisme. Des bibliothèques brûlées. Des fleurs du mal fanées. Le temps des croyances ignorantes. Puritain, des bonnes consciences charitables et des vrais visages intolérants. Voici venu le temps des grandes croisades, des porte-paroles de Dieu, des paysans bêtes et pieux et des barbares brillants. Nous voilà au temps de l'aime, tour à tour ils se détruisent.